Dans ce musée, il y a des petits, des grands tableaux, avec des fleurs, des animaux, et aussi des personnages. Et on les cherche, cherche, cherche, cherche, cherche, et on les cherche, cherche, cherche, cherche, cherche. Et on les trouve, trouve, trouve, trouve, trouve. Le musée Paul Dini, c'est vraiment génial. Dans ce musée, il y a des enfants et des parents, des papis et des mamies. On fait des jeux, des coloriages, et on s'amuse, muse, muse, muse, muse, et on s'amuse, muse, muse, muse, muse. Et on s'amuse, muse, muse, muse, muse. Le musée Paul Dini, c'est vraiment génial.